Quatrième partie, chapitre 6, septième section, la manière de se confesser. Comment vous présenterez-vous au confesseur? Je m'agenouillerai au pied du confesseur et je dirai « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché ». Que ferez-vous pendant que le confesseur vous donnera la bénédiction? Je m'inclinerai humblement pour la recevoir et je ferai le signe de la croix. Quand on a fait le signe de la croix, que doit-on dire? Quand on a fait le signe de la croix, on doit dire « Je me confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Vierge Marie, à tous les saints et à vous, mon Père spirituel, parce que j'ai péché. » Et ensuite, que faut-il dire? Ensuite, il faut dire « Je me suis confessé depuis tant de temps. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'absolution, j'ai fait la pénitence et j'ai fait la sainte communion. » Ensuite, on accuse ses péchés. Quand vous avez fini l'accusation de vos péchés, que ferez-vous? Quand j'aurai fini l'accusation de mes péchés, je dirai « Je m'accuse encore de tous les péchés de la vie passée, spécialement contre telle ou telle vertu, par exemple contre la pureté, contre le quatrième commandement, etc. » Après cette accusation, que doit-on dire? On doit dire « De tous les péchés et de tout ce que j'ai oublié, je demande pardon à Dieu de tout mon cœur, et à vous, mon Père spirituel, je demande la pénitence et l'absolution. » Quand on a ainsi terminé l'accusation des péchés, que reste-t-il à faire? Quand on a terminé l'accusation des péchés, il faut écouter avec respect ce que dira le confesseur, recevoir la pénitence avec une volonté sincère de l'accomplir, et pendant qu'il donnera l'absolution, renouveler dans son cœur l'acte de contrition. Une fois l'absolution reçue, que reste-t-il à faire? L'absolution reçue, il faut remercier le Seigneur, faire au plus tôt la pénitence et mettre en pratique les avis du confesseur.